scélérate, tu vas mourir. Oh. Oh. Oh. Oh non, je ne peux pas, bon Dieu, je ne peux pas. Mais quelle fibre me lie donc à toi, que toutes mes énergies d'homme ne puissent suffire à les briser, que ma soif de vengeance désarme devant la peur de te faire du mal, et que je ne trouve que des pleurs où je ne devrais trouver que des colères. Oh, voyons, pourquoi as-tu fait ça? Je sais bien que je ne suis ni bien beau, ni bien riche, mais j'avais tant fait pour faire oublier ces petits torts. Tu étais dans mon cœur comme dans un nid, j'étais dans tes petites mains à jouer. Tu avais l'air d'être contente, alors quoi? Je ne comprends plus pourquoi. Parle, pourquoi? Pourquoi? Oh, ça, mais c'est sérieux? Sérieux? C'est qu'en vérité, tu me fais peur, je me demande si tu deviens fou. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ben, nous ne le savons pas que trop. Tu m'as trompé. Pas du tout. Tu ne m'as pas trompé. Jamais. Mais cet homme misérable menteux, cet homme. Je ne puis te répondre. Pourquoi donc? Parce que c'est un secret de famille et que je ne puis pas le révéler. Ça, par exemple. Tu ne me crois pas. Tu as raison. J'en ferai autant à ta place. Adieu. Où vas-tu? Nulle part. Il faut nous quitter, voilà tout. Tu n'espères cependant pas que sur la foi d'une simple assurance... Je n'espère pas, en effet. Encore que je pourrais te trouver d'un scepticisme un peu outré à l'égard d'une femme qui a été 8 ans la compagne de ton existence et ne croit pas avoir jamais rien fait qui puisse te donner le droit de suspecter sa parole. Ça ne fait rien. Les apparences sont contre moi. Je ne saurais t'en vouloir de la faiblesse d'âme qui te pousse à t'en remettre à elle en aveugle. Si tu ne l'avais pas, tu ne serais pas homme. C'est possible, mais moi je dis une chose, c'est que cacher un homme chez soi n'est pas le fait d'une honnête femme. Si je n'étais pas une honnête femme, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sacrifierai pas ma vie au respect de la parole donnée, à un secret d'où dépend seulement l'honneur d'une autre. Inutile de discuter, nous ne nous entendrons jamais. Ce sont là de ces sentiments féminins que les hommes ne peuvent pas comprendre. Séparons-nous. Nous n'avons plus que cela à faire. Je ne te demande pas de m'embrasser, mais je voudrais que tu me donnes la main. Oh. Sois heureux, voilà tout le mal que je te souhaite. Pardonne-moi celui que j'ai pu te faire, car je ne l'ai jamais fait exprès. Oh, je sais bien, tu n'es ni vicieuse ni méchante. Nous aurons goûté de grande joie. Laisse-moi croire que tu n'en perdras pas tout souvenir en franchissant le seuil de cette porte. Et que quelquefois plus tard, que tout ce qui est le présent sera devenu un lointain passé, tu te rappelleras avec un peu d'attendrissement la vieille amie qui t'a laissée seule et la petite maison que tu auras laissée vide. Oh, elle peut s'en vanter la vie quand elle se met à être lâche. Elle l'est bien. Oh, Adèle. Oh, ne pleure pas, je t'en prie. Oh, je n'ai déjà pas trop de courage. Car enfin, je ne me faisais pas d'illusions. Je savais bien que notre liaison ne pouvait pas être éternelle. Je croyais pouvoir compter encore sur quelques années de bonheur. Mais jure de ne plus recommencer, au moins. Je t'ai dit que ma tendresse pour toi pouvait aller jusqu'au pardon. Je sais à quel point tu es bon. Je te sais gré de ton indulgence. Mais je n'ai pas à accepter le pardon d'une faute que je n'ai pas commise. Oh, et puis à quoi bon? Pourquoi faire? Tu ne peux plus avoir pour moi qu'une affection sans confiance. Et dans ces conditions, j'ai mieux y renoncer. Je tiens à ton amour, mais plus encore à ton estime. Le ver est dans le fruit. Jetons-le. Je ne peux pas te quitter, c'est plus fort que moi. Il le faut, cependant. Oh. Allons. Grand bébé. Oh, voilà maintenant qu'il faut que ce soit moi qui le console. Sois homme. C'est le deuil éternel de la vie. Je veux rester. C'est impossible. Je t'aime trop, je ne peux pas me passer de toi. Ce sont des choses que l'on dit. Et si j'étais venue à mourir? Oh, alors? Tenons-en-nous là. Les forces me manqueraient à la fin pour la dernière fois. Adieu. Oh, c'est pas la peine, je m'en irai pas. Tu n'es pas raisonnable. Je m'en fiche. C'est bien. Reste. Alors, tu me pardonnes? Oh, oui. Non, réponds mieux que ça. Tu me pardonnes? Oui. Tu me pardonnes de tout ton cœur? Je te pardonne de tout mon cœur. Tu ne reparleras jamais de cette abominable soirée? Jamais. Tu me le jures? Je te le jure. Bon. Eh bien, je ne t'ai pas trompé. Tu me croiras peut-être à présent que je n'ai plus d'intérêt à te mentir. Regarde-moi dans les yeux. Ai-je l'air, oui ou non, d'une femme qui dit la vérité? Oh, le nigaud, qui gâche sa vie pour le seul plaisir de le faire. Et ne songe pas à se dire, c'est trop bête, voilà 8 ans que cette maison est la mienne, que cette femme vit au grand jour. Franchement, quand as-tu eu à te plaindre de moi? N'ai-je pas été pour toi la plus douce des maîtresses? la plus patiente, et il faut bien le dire, la plus désintéressée. Si. Et un tel passé s'écroulerait, et des heures vécues en commun, et des caresses échangées, et de tout ce qui fut notre amour, rien ne subsisterait en ta mémoire, parce qu'une fatalité imbécile te fait trouver dans un bahut un homme que tu ne connais même pas. Oh, un doute reste dans ton esprit. Non. Ne dis pas non, je le sens. Eh bien, je ne veux plus de toi à moi le plus petit équivoque, la moindre arrière-pensée. Je sais de quel prix je puis payer ta tranquillité définitive. C'est cher, mais je suis disposée tout de même à te livrer, si tu l'exiges, un secret qui n'est pas le mien. Dois-je commettre cette infamie? Un mot, c'est fait. Oh, pour qui me prends-tu? Je suis un honnête homme. Les affaires des autres ne me regardent pas. Embrasse-moi. Je pourrais te faire des reproches, mais tu as eu assez de chagrin comme ça. Seulement convient que tu as été absurde. Oh, chameau! Moi? Oh, mon chat, toi, mais comment peux-tu croire? Mais non, je pense à un vieil imbécile auquel, d'ailleurs, je vais aller dire deux mots. Mais qu'est-ce que tu fais? Un compte à régler, ne t'inquiète pas, je ne fais qu'aller y revenir. Il sort, laissant ouverte la porte qui donne accès sur le vestibule. En sorte qu'on le voit ouvrir la porte de l'escalier, à cet instant passe, regagnant son domicile, le vieux monsieur du premier acte. Ça tombe bien, j'allais chez vous. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et si je vous cassais la figure maintenant? Si je vous la cassais la Mais voulez-vous me lâcher? Adèle est une petite gueuse! Adèle est une petite gueuse! Eh ben vous êtes un vieux daim et une poire!